1 Jean chapitre 4. Mes bien-aimés, ne croyez point à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus au monde. Connaissez à cette marque l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse point, que Jésus-Christ est venu en chair, n'est point de Dieu, or tel est l'esprit de l'Antéchrist, duquel vous avez ouï dire qu'il viendra, et il est même déjà maintenant au monde. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est au monde. Ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute, mais celui qui n'est point de Dieu, ne nous écoute point. Nous connaissons à ceci l'esprit de vérité, et l'esprit d'erreur. Mes bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car la charité est de Dieu, et quiconque aime son prochain, est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime point son prochain, n'a point connu Dieu, car Dieu est charité. En ceci est manifestée la charité de Dieu envers nous, que Dieu a envoyé son Fils unique au monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est la charité, non que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et sa charité est accomplie en nous. À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous l'avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru la charité que Dieu a pour nous. Dieu est la charité, et celui qui demeure dans la charité, demeure en Dieu, et Dieu en lui. En ceci est accomplie la charité envers nous, afin que nous ayons de la confiance pour le jour du jugement, si tel qu'il est, nous sommes tels en ce monde. Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte cause de la peine, or celui qui craint, n'est pas accompli dans la charité. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et cependant il est son frère, il est un menteur, car comment celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu, lequel il ne voit point? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.